Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Bidouillage. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-gorge sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Bon, ça me fait ça. Ni filtrage, ni censure, nous voulons net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un random numéro 33. Alors on est une petite équipe ce soir avec donc DB. Bonsoir. Et l'infatigable Little Charlie à la technique. Bonsoir. Donc on va commencer comme d'habitude avec les actualités locales. Bon là ça va être assez court. On va surtout parler des avancées du Ozilab et des ateliers qui commencent à pousser là-bas. On va continuer sur l'actualité du logiciel libre, peut-être un peu revenir sur le FOSDEM, un petit fait marquant. On va continuer donc sur l'actualité du milieu hacker en parlant de la conférence des Hackerspace français. Et des Hackerspace Festival. Voilà, exactement. On va reprendre notre marronnier Et voilà. Tu commences bien. Donc voilà, on va reprendre notre marronnier l'OPSI. La loi est donc été finalement votée. Donc on va revenir un peu dessus. On va parler d'un petit match, non pas celui qui est en train de passer en ce moment. Non, il est fini, la France a gagné. Mais le match SFR versus OVH. OVH, ouais. Et on parlera d'Eric Besson, tant qu'à faire. Donc voilà. On devrait avoir tout à l'heure un invité qui nous parlera un peu du Château Pirate. On va commencer tout de suite sur le Ozilab. On en avait parlé brièvement dans une émission précédente. Donc c'est un hackerspace qui est en train de se monter en attendant le localhost, le nouveau localhost. Donc il est en train de se monter dans le quartier des Bois Blancs. Il y a pour l'instant en ce moment des grands travaux. On est en train de refaire la pièce qui va accueillir le hackerspace. On est en train d'aménager peu à peu un potager pour pouvoir faire pousser des espèces rares, de la stevia, d'autres trucs. Tu vas faire pousser des rats? Des rats du Touquet, c'est des petites pommes de terre en fait qui sont super bonnes. Des rats du Touquet? Ouais. Elles se dilatent les rats? Non, elles ne se dilatent pas. Voilà. Mais bon, après c'est juste des pistes, donc voilà. Le hackerspace est en train de tout doucement prendre forme. Là on a quasiment une pièce toute belle pour pouvoir ensuite la repeindre, mettre l'électricité, les paillasses pour pouvoir faire un peu tout et n'importe quoi, de l'électronique, du prototypage rapide avec des RepRap ou d'autres machines comme ça, ou tout ce qui passe par la tête. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, justement, à propos du prototypage, tout ça, donc, l'Ozilab, c'est une structure qui se monte parce qu'il y a un lieu. Le localhost, c'est une structure qui continue à se créer alors qu'elle n'a pas de lieu, mais il y a une structure. Et puis on a le Meulab également qui avait, Thierry avait fait, on avait parlé dans l'écho des gnous il y a quelques semaines. Et donc, il y a à l'heure actuelle un gros conglomérat de structures qui se montent autour de tout ce qui va être bidouille. On peut parler aussi des apéros bidouilles de l'hybride et d'autres choses qui se montent comme ça. Donc, il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle à Lille. Il y a du monde en fait qui commence à vraiment parler de choses concrètes. Et donc en fait on va commencer à démarrer une vraie activité ouverte de hacking sur l'île. Ouais, et les activités ont déjà commencé à démarrer ces deux dernières semaines, vu qu'il y a eu déjà plusieurs apéros. Bon, on appelait ça les apéros bidouilles, mais le nom a déjà pris, donc on a renommé ces activités. Donc c'est autour d'un coca, d'une bière, de n'importe quelle boisson. Coca, ouais. Ah, quelle horreur. Bon, bientôt on fabriquera le nôtre là-bas. Et donc c'est histoire de ramener vos projets, venir bidouiller, plutôt que de bidouiller dans votre coin, venir le faire à côté des autres, donc partager sur vos projets, bénéficier de l'expérience des autres et faire bénéficier de votre expérience. Et tout en le faisant dans un cadre décontracté. Et donc voilà. Alors le concept, c'est que donc chaque semaine, donc chaque jeudi. Oui, maintenant ça sera chaque jeudi, donc de 19h à vers 23h, où on n'est pas. Le dernier métro est à 0h30, ouais. Plus de 0h30. Plutôt vers écart. Mais... Plutôt vers écart pour les personnes qui prendront, qui auront un changement à prendre à l'île Flandre ou autre. Donc tous les jeudis 19h à Capéro à l'Ozilab. Donc voilà. Et en même temps, il y aura la plupart du temps la préparation des émissions au random. En fait, c'est pour un peu pousser donc les gens, les différentes personnes à venir participer, proposer des sujets. Ça nous a déjà été proposé, mais là c'est pour vraiment aller un peu plus loin et. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là vraiment, depuis un an et demi, l'équipe de Random est composée de 3 personnes qui font tout, qui assurent la revue de presse, les aspects éditoriaux, les jingles, la musique, plus l'animation de l'émission un dimanche sur deux. Et donc on finit par tourner un peu en boucle, c'est plus tout à fait random que ça. C'est plus tout à fait, c'est plus si anthropique que ça, c'est tout le temps un petit peu les mêmes sujets, on a des marronniers sur la lopsie, etc. Et puis du coup l'équipe commence à fatiguer, j'ai été absent pendant un mois et demi. Là on est encore que deux, donc du coup chaque fois chaque absence se fait vraiment cruellement sentir et on a besoin d'aide, donc on a besoin d'aide en fait, que ça soit pour de la veille de revue de presse, c'est-à-dire nous faire savoir un petit peu quand il y a des news qu'on n'a pas forcément vu, qui proviennent du milieu hacker et qu'on n'a pas forcément vu, quand vous avez des événements à annoncer, que ça soit que vous nous l'annonciez et qu'on soit pas tout le temps obligé de tout chercher, que ça soit pour venir animer au studio, c'est pas compliqué, il suffit de venir et puis le studio est ouvert, encore que c'est le bordel en ce moment le studio. Il y a un studio tout neuf qui est en train de se préparer avec les belles couleurs jaune et noir du bord du campus. On dirait l'Ozilab, sauf que là c'est peint. En fait c'est à peu près le même niveau de bordel. Ouais. Je vais me faire taper. Donc Random a besoin d'aide. Random va pas très bien en ce moment et c'est un appel un petit peu à toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer un petit peu dans la vie de l'émission. C'est le moment ou jamais. Ouais. Et donc c'est pas les seules activités qu'il y a au lab. Donc le samedi après-midi maintenant, donc il y aura le atelier potager. Je précise, j'avais participé au potager au lieu et on avait eu la question d'un journaliste, mais est-ce que vous faites pousser que des essences légales? Oui, il y aura que des espèces légales dans le potager. Je préfère rassurer nos auditeurs et auditrices. Donc voilà. Non mais pour les espèces pas légales, il y a un voyage à Amsterdam pour aller visiter le Hackerspace Fab Lab de Amsterdam qui se monte. Il faudrait passer soit par la liste du localhost, la liste de diffusion du localhost ou celle de Stinux pour contacter Thierry du Melab qui est en train d'organiser ça. Et on précise que c'est second degré quand même. Ouais, pas sûr. Bon. Amsterdam, quoi. Et donc le chantier avance, mais on a toujours besoin de bras. Donc du coup, vous pouvez passer l'après-midi, envoyer un SMS au 06 58 50 77 24. Donc 06 58 50 77 24. Donc pour venir filer un coup de main pour la peinture, pour des tas de trucs, il y a toujours besoin de... il y a besoin de bras. Voilà. Donc on résume, Acapéro tous les jeudis soirs, tous les samedis après-midi, atelier potager, tous les après-midi, chantier naval, construction, démolition, peinture, maçonnerie, tout ce qu'on veut pour réparer un petit peu l'Ozilab. Mm-hmm. Et puis d'autres activités, j'imagine qu'il va y avoir des ateliers informatiques. Il y a eu un atelier mapping party, donc OpenStreetMap. Bon, c'était le premier, il n'y a pas eu forcément de communication, donc il y avait vraiment peu de monde. Il y aura certainement des install parties non mixtes, mais à programmer. Donc non mixtes que pour les filles. Oui. Et il y aura d'autres activités. Hein. Il suffit de proposer au même numéro qui avait été... Des ateliers Arduino, des ateliers de bidouille, une création de choses diverses et variées, des choses liées au do-it-yourself, à la musique. Oui, justement, avec les travaux du MeLab, il y aura peut-être des ateliers qui seront faits sur la musique électro, la création de synthé. Plus que probable, et puis également éventuellement avec les gens de l'apéro bidouille. Avec les gens de l'apéro bidouille, si on arrive à bien organiser ça avec les personnes qui organisent ce sympathique événement. Bon, du coup, avant de passer au reste des actualités, je pense qu'on va faire une petite pause musicale. Et donc, on se retrouve tout de suite après. De retour sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM avec donc des actualités du logiciel libre et du MiHacker. Alors les actualités du logiciel libre, c'était surtout le FOSDEM qui avait lieu donc Mais non, c'est juste que t'as pas désannoncé la musique. Ah oui, oui. Alors en fait, c'était en plus c'est super important. Donc c'était Eat Rabbit avec la chanson Aquatron qu'on avait déjà passé. Ouais. Mais bon, on était un peu à court de musique. Et c'était aussi histoire de faire en fait de signaler rapidement que bon, Eat Rabbit, c'est un artiste bon, on a déjà passé plusieurs morceaux, qui fait partie d'un label qu'on aime beaucoup. Qui est le label Da Heard It Records, qui est un web label qui passe que de la musique libre et dont on a passé pas mal d'artistes. On a passé Computer Truck, on a passé différentes personnes. En fait, c'est un label qu'on avait découvert il y a un an parce qu'il y avait eu une soirée électro 8 bits au Tripostal dans le cadre de la fête de l'animation 2010. Et ben là, dans le cadre de la fête de l'animation 2011, il y a donc une soirée électro-animée Carnaval électro 8 bits. Au Tripostal, ça se passera le vendredi 18 mars 2011, de 23h à 4h du matin. L'entrée est à 8€, et pour 8€, on aura donc Ben et Benet, Busker Droid et Microman, Computer Truck et Peter Quitzgard, et ainsi que Meneo, plus des animations entre les artistes par DJ Boulet. Donc tout ça pour 8€ là-bas, et puis bah je pense que nous on y sera pour danser, et puis éventuellement pour rencontrer les artistes qu'on passe dans Random depuis un an. Voilà, donc ça c'était pour la petite digression musicale. Digression, pas digression. Oui. Donc il y a donc la semaine dernière, le week-end dernier, il y avait donc le FOSDEM, le Forum européen des développeurs de logiciels. Donc le Forum européen des développeurs de logiciels libres et open source, donc FOSDEM. C'est parce que pour moi, c'est tellement naturel qu'un logiciel soit libre que maintenant je zappe. Donc voilà. Donc j'en avais parlé un peu dans l'écho des GNU. La semaine dernière. Oui. Donc il y a deux conférences qui étaient assez intéressantes sur le développement de VPN simple à mettre en place, décentralisé, qui passe à travers les NAT. Donc il y avait FairVPN et un autre logiciel. Il y avait aussi une conférence sur un outil de simulation de réseau, de façon un peu plus libre que celui qui existe et dont j'ai oublié le nom, où on est obligé d'utiliser des firmware Cisco et d'autres firmwares pas libres, donc du coup ça pose quelques soucis. Il y a eu pas mal, il y a eu 2-3 conférences assez politiques sur l'importance d'utiliser tel ou tel mot et de. C'était assez intéressant. Et il y a un t-shirt qu'on a revu plusieurs fois dans les couloirs, dans les salles de conférences. Il y avait donc un t-shirt noir avec un petit bonhomme jaune, comme un smiley, mais sans la bouche, avec marqué en dessous « I'm a hacker », qui était arboré fièrement par quelques participants. C'était, voilà. C'est intéressant de voir que, rien que dans la plaquette du FOSDEM, rien que sur le t-shirt, il y a vraiment une réappropriation du mot « hacker », que, voilà, c'est... On n'en reste plus cantonné au sens qu'on modifiait, qu'on donnait les médias. Et la police française. Voilà. Voilà, donc ça c'était juste pour parler un petit peu du FOSDEM. Après, sur le contenu des conférences, il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup, des très intéressantes, mais ça ne tient pas dans une émission. Il y avait une conf sur Nmap, non ? C'est possible. D'accord, mais bon, parce que Nmap 5.20 ou 5.2, 5.20, je crois, est sorti tout récemment et il paraît qu'il patate bien, donc avec le nouveau système de script qui permet de. Espérons qu'il y a un support de l'IPv6 un peu amélioré, parce que c'était pas encore ça la dernière fois que j'ai utilisé. Ben, il me semble que ouais, l'IPv6 fait partie des choses qui sont bien. Y a eu une interview de Fyodor, donc le principal, enfin l'initiateur historique du projet Nmap et toujours le lead développeur de ce grand logiciel de sécurité informatique et plus particulièrement de cartographie de réseau, et qui disait que voilà, il y avait un certain nombre de chantiers intéressants. L'interview c'est une excellente interview, j'avais trouvé très très bien, qui était sur le site web de nos amis de la FZ Corp, donc fz-corp.net, et donc c'est une interview qui était vraiment intéressante et je vous invite à aller la lire. Encore une fois, Fyodor, c'est pas n'importe qui. On enchaîne peut-être sur l'actualité du milieu hacker rapidement. Ça bouge aussi. Ouais, ça bouge aussi. Quelques indiscrétions qu'on vous livre. C'est juste que au niveau des conférences des hackerspaces français, l'année dernière, on avait pas mal parlé de tout ce qui était Braze Entropy Congress, dont on avait eu les deux interviews de deux organisateurs différents, enfin un organisateur et une organisatrice du Braze Entropy Congress. L'orga continue d'avancer. Ils ont notamment réussi, d'après ce que j'ai compris, à choper un local à Les Labos, donc un collectif d'artistes indépendants. Ils ont réussi à choper un local pour monter une activité de hackerspace. Et puis, ils sont en discussion donc avec l'université. Et du coup, ça commence à bouger. Il y a un comité de lecture des conférences qui commence à se. Bon, je vais pas donner non plus toutes les infos qu'on a, mais il va y avoir un Braze Entropy Congress 2011 à Rennes. Au début de l'été, fin du printemps, début de l'été, ou même au printemps. Et puis également du côté du Toulouse Hackerspace Festival, donc organisé cette année encore par le Theta Lab, qu'on salue également au passage. Puis ça s'ajoute également à Quito Ergo Sum 2011, qui aura lieu, je le rappelle, du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011, donc c'est dans pas trop longtemps, et il va y avoir des bonnes choses qui vont se passer. De toute façon, on vous tient au courant, on aura, je pense, plus d'informations dans les semaines à venir, avec des dates précises, et puis des appels à contribution, et puis on aura certainement les interviews, puisqu'on suit ça de très près, on aura certainement des interviews intéressantes à vous proposer pour voir un petit peu qu'il se passe des choses, et pas forcément que à Paris, et pas que à Lille non plus. On va passer vite fait à notre gros morceau sur la LOPSI, donc la censure, filtrage internet et neutralité des réseaux, avec le jingle qui va bien peut-être. Non, sans le jingle qui va bien. Je te laisse le dire parce que moi je vais vomir à l'antenne si je le dis. Bon, sans grande surprise, le projet de la loi d'orientation pour la programmation pour la performance de la sécurité intérieure, il y a tellement de lettres et puis ça change parfois, donc du coup. La LOPSI 2 donc, a été votée, enfin il faut dire LOPSI parce que soi-disant il n'y en a jamais eu avant. Donc tous les amendements un peu problématiques sont. Oula, ouais, on a un vieux Larsen là. pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Voilà. Donc le projet de loi a été définitivement voté mardi dernier, mardi 8 février. Donc il a été d'abord voté au Sénat à 178 voix pour et 151 voix contre. Et puis il y a eu une harmonisation qui a eu lieu au niveau de la commission mixte paritaire, donc qui se réunit pour harmoniser les textes entre ce qui a été voté au Sénat et ce qui a été voté à l'Assemblée. Ah, oui, c'est un faux contact sous la table de mixage. La table de mixage. Quoi, il y a des gens sous la table de mixage en ce moment. Et l'article 4 est passé tel quel. Autrement dit, Internet va donc être censuré en France. La France qui s'arme, enfin qui possède donc maintenant l'arsenal répressif le plus imposant au monde pour faire entrer Internet dans ce qu'on appelle l'ère, enfin dans ce que Nicolas Sarkozy et ses amis appellent l'ère de l'Internet civilisé. Parce que voyez-vous, Internet est une régression de la civilisation et donc maintenant. Fini les conneries, on va donc civiliser Internet. Ce qui est bien, c'est que ça va complètement contre-courant de la plupart des autres gouvernements, notamment le gouvernement américain, bon, un peu hypocrite, mais bon. Bah après qui a donc dit que voilà que Internet c'était vraiment fondamental et que ils étaient bon, c'est une menace qui sera jamais mise à exécution parce qu'il y a beaucoup de C'est-à-dire, il y a un effet d'annonce, mais il parlait de rétablir l'Internet en Égypte contre la volonté du gouvernement égyptien, mais sachant que ça peut être assimilé à un acte de guerre, on sait très bien qu'ils le feront jamais. Bah, puis de toute façon, ça a été fait par FDN en France. Oui. Donc, voilà, et par d'autres fournisseurs d'accès et d'autres particuliers, sociétés qui sont venus mettre à disposition leurs ressources pour les Égyptiens. Pour que des personnes depuis l'Égypte puissent continuer à se connecter à Internet malgré le blackout du gouvernement. On remarque en fait aussi que toutes ces lois sur la censure d'Internet, etc. On voit bien quel type de gouvernement met actuellement des lois sur la censure d'Internet. On voit effectivement un certain nombre de dictatures. On parle beaucoup des régimes pas forcément toujours dictatoriaux ou religieux ou quoi que ce soit, mais des régimes peu démocratiques. Qu'on a vu en Afrique et au Maghreb et qui tombent comme des mouches en ce moment. Justement, si le peuple a pu se coordonner, c'est grâce à Internet. Alors, il y a celui qui se frotte les mains, qui est Mark Zuckerberg, hein, puisque apparemment la grande révolution de tous ces pays-là, c'est Facebook. Bon, est-ce que c'est juste Facebook ou est-ce que c'est Internet et tous les usages qui Parce que c'est Internet au sens large et tous les usages qui le... Mais Internet, ça se vend pas, donc... Ah non, il faut vendre Facebook. C'est vrai. Donc le projet de loi de l'ALOPSI a donc été définitivement voté. Alors, on va rappeler un petit peu le principe du truc. Donc, un filtrage... donc, une liste noire de sites Internet qui ne seront plus disponibles depuis le territoire français. Liste noire non publique. Qui n'est pas décidé par une autorité judiciaire, mais simplement géré par un office de police qui dépend du Premier ministre. C'était le CIC, je sais pas. C'était du Premier ministre ou directement du ministère de l'Intérieur, donc un obscur office de police dans son coin, qui répond à peu d'ordre, enfin voilà, qui fait un peu ce qu'il veut dans son coin, et qui va donc avoir la charge de décider que tel site web est désirable et tel site web ne l'est pas sur le territoire français. Donc on est bien sûr de la censure. Et avec différentes techniques qui ont toutes des effets de bord et qui posent toutes des problèmes. Et puis, qui posent toutes des problèmes, que ce soit du filtrage BGP qui vont faire chier tous les opérateurs réseau ou du filtrage DNS qui de toute façon servira à rien. Bien entendu, au nom de la sacro-sainte lutte contre la pédopornographie sur Internet, en sachant que, malheureusement, les réseaux de pédopornographie sur Internet, de toute façon, ce sont des réseaux mafieux. Et Il y a beaucoup de moyens techniques, il y a une capacité à s'adapter en permanence à toutes les situations de filtrage, donc Et de toute façon, ce sont des organisations qui sont déjà furtives dans la vie réelle et qui sont également, et dont les infrastructures techniques d'Internet sont également furtives avec la complaisance de certains fournisseurs d'accès ou d'hébergeurs dans certains pays où les mafias sont omniprésentes. Bref, on fait rien pour lutter vraiment contre la pédopornographie, parce que si le gouvernement voulait vraiment lutter contre la pédopornographie, il ferait ce qu'on fait contre la mafia, c'est-à-dire qu'il chercherait à filtrer à remonter les flux financiers, etc. On constate qu'il ne le fait pas. Il impose de la censure à l'internet, qui est en fait pour censurer WikiLeaks. On va reparler juste après. Bon, donc voilà. Donc sur la LOPSI, bon, le collectif La Quadrature du Net a publié un communiqué le même jour, donc le mardi 8 février. Et on a vu, bien entendu, comme de bien entendu, hein, Alex Turk, donc qui est le sénateur UMP du Nord, qui est quand même allé jusqu'à justifier en personne dans la presse son soutien, parce qu'il a voté la loi Hadopi et il a voté la loi LOPSI. Donc il soutient des lois contre lesquelles il avait émis un avis défavorable en tant que président de la CNIL. C'est-à-dire qu'en tant que président de la CNIL, il dit non, ces lois-là, elles sont pas bien, faut pas les voter. Et de l'autre côté, hop, quand il se retrouve dans l'Assemblée, au Sénat, qu'on lui demande de voter une loi, bah, il la vote tout bêtement. Bravo le bon sens et la déontologie. Mais non, il met simplement en application ce qu'il a lu dans ses livres, notamment ce qu'il a lu dans 1984. Il utilise de la novlangue, il utilise un même mot pour désigner tout à fait une bonne chose et son inverse. Tout à fait. Donc bon, sur la LOPSI, le mouvement de contestation continue un peu partout en France, avec des manifs qui s'organisent à droite et à gauche, mais dans un ordre assez, c'est pas super bien coordonné. Et puis c'est surtout un mouvement qui a été plus ou moins récupéré par les associations qui luttent sur le logement, alors que bon, l'amendement 32 terre. On s'en fout un peu comparé. Il y a beaucoup de domaines qui sont touchés par la LOPSI et malheureusement peu de motivation et peu de compréhension du texte, déjà qui est imbitable, ouais. De la part de beaucoup de d'associations militantes. Et puis la DOPI première du nom, il y a un blackout médiatique sur ce sujet-là, c'est pas vendeur et c'est pas compris par les journalistes non plus. C'est déjà pas compris par les journalistes, alors qu'est-ce que vous voulez que les citoyens et les citoyennes comprennent un petit peu ce qui se passe sur la Hadopi? Ce serait peut-être temps de commencer à bouger là-dessus. Moi je dis ça, je dis rien. Et le Parti Socialiste, hein, vu qu'on habite à Lille quand même un petit peu, donc le Parti Socialiste a annoncé vouloir déposer un recours auprès du Conseil Constitutionnel concernant cette loi. Bon, il y a peu de chances d'aboutir, de toute façon le Conseil Constitutionnel avait mollement censuré la loi Hadopi 1, mais avait laissé passer la loi Hadopi 2 et toutes les autres, la loi Perben, etc. Bon, le Conseil Constitutionnel, voilà. Et donc, en matière de censure et de filtrage, on en a un qui tient vraiment une couche, c'est quand même Éric Besson. Éric Besson, donc on rappelle, hein, l'été dernier, les rafles sur les Roms, etc., les reconduites à la frontière, le ministère de l'Immigration et de l'Identité Nationale, tout ça. Donc Éric Besson, qui s'est retrouvé à la faveur du dernier remaniement ministériel, ministre d'Internet, qui avait annoncé au mois de décembre dernier... Ministre de l'économie numérique, mais bon... Ouais, ministre de l'économie numérique. Alors Red White Web, Sherid White Web, il y avait Fabrice Épelboin qui avait nommé ça le ministre des colonies... numériques. Le ministre des colonies numériques. Donc Monsieur Éric Besson... qui avait déjà au mois de décembre fait une sortie assez remarquée concernant le fait qu'il voulait interdire l'hébergement de WikiLeaks en France. On lui souhaite bon courage là-dessus. Et qui, c'était quand même deux semaines avant, enfin c'était une semaine je crois, ou moins de deux semaines avant, le début du dernier round de négociations parlementaires sur la LOPSI. Donc une semaine avant la dernière passe pour le vote d'une loi qui va censurer Internet, un ministre en charge, ministre de tutelle, qui décide comme ça qu'il va censurer WikiLeaks en France. C'est marrant. Et non, bien sûr, la LOPSI ne va servir qu'à censurer les pédophiles et tout ça, et les pédonazis. Bref, donc là, Éric Besson, carrément, souhaite la fin de la neutralité du net. Je répète, et permettez-moi d'insister là-dessus, la fin de la neutralité du net. C'est excellent. Comme ça, hop, paf, on va claquer des doigts, et Internet va arrêter d'être neutre. Comme s'il avait le pouvoir de faire ça, comme s'il avait les compétences techniques pour comprendre ces problématiques-là, et comme s'il pouvait légiférer Internet comme il légifère avec tous les problèmes d'immigration, etc., et... Bref, la méthode Berlusconi, hein, on dit des trucs, et puis en vrai, de toute façon, on fera rien parce qu'on peut rien faire. Et donc voilà. Et en parlant de neutralité du net, je pense qu'on peut continuer sur une affaire qui est proche de Éric Besson. Ah oui, de toute façon, clairement. Avec le duel donc SFR contre OVH. Bon, ça y est, il y a la table de mixage qui fait du morse. Donc avec SFR contre OVH, où en fait, bah, tout a commencé dans les médias et un peu sur les listes de diffusion en fin de semaine dernière par un mail d'Octave Klaba, le PDG d'OVH, qui invitait donc les abonnés de 9 SFR à changer leur identifiant mot de passe de leur box pour ne plus passer par le réseau de SFR mais passer par les infrastructures d'OVH et donc pouvoir se connecter directement par OVH. Parce que OVH lance une activité de fournisseur d'accès à Internet par ADSL en utilisant le réseau d'SFR. Oui. Avec un accord avec SFR. Ouais. Et donc en fait, OVH a reçu une demande pour regarder un peu ce qui se passe au niveau du peering. Donc, c'est-à-dire, le peering, c'est les accords d'échange de trafic entre deux opérateurs directement. C'est-à-dire, on a des abonnés OVH qui vont chercher des sites chez SFR. Bon, c'est plutôt l'inverse. Et donc, il va y avoir un câble qui va tirer entre les deux opérateurs et hop, il y a tout le trafic qui va passer dans le câble. Ça évite de saturer d'autres ressources et ça permet de faire passer tranquillement pour rien, parce que juste ça coûte juste le coût de la mise en place du câble et le coût de l'électricité qui est vraiment quasi nul par rapport à la valeur ajoutée, voilà, du trafic qui passe. Et donc SFR a mot voilé en fait demandé à OVH de, en gros, de renégocier le contrat qui les liait. Donc SFR très certainement voulait faire payer le peering à OVH, ce qui paraît totalement absurde parce qu'en fait OVH fournit beaucoup de données à SFR. C'est plutôt SFR qui serait demandeur de trafic, vu que OVH héberge énormément de sites et dont Wikileaks, notamment de sites web français. Et OVH, en fait, c'est donc la deuxième fois qu'il se retrouve un petit peu sous les feux de la rampe depuis que Octopus qui hébergeait Wikileaks jusqu'en novembre, Octopus a déporté son activité d'hébergement du site de Wikileaks d'une machine à elle vers une machine qu'elle loue chez OVH. Et donc, d'où la sortie d'Éric Besson qui voulait interdire l'hébergement de Wikileaks en France, machin, machin, machin, machin. Et donc là, paf, OVH s'en reprend une louche dans la gueule en s'attaquant directement aux accords qui lui permettent de travailler. C'est-à-dire que OVH peut rien faire si elle a pas d'accord de peering, en fait. Bah, OVH a tellement d'accords de peering et de transit avec d'autres opérateurs que, bon, si le débit en venait à être bridé, que ça en venait à être problématique, ça serait comme Orange avec Mega Upload. Avec Mega Upload, hein. C'est plutôt SFR qui en pâtirait, je pense. Ouais, mais ça fait un coup médiatique, encore une fois. Et puis SFR, bon, c'est pas n'importe qui. SFR, c'est Universal, c'est Pascal Nègre, c'est, voilà, donc des gens vraiment pas cool. On va pas dire qu'OVH est super cool non plus. C'est pas non plus. Je suis pas spécialement pro OVH, j'ai pas d'action chez Octave Klaba. Et voilà, mais bon, quand même. Quand même, quoi. Mais c'est n'importe quoi, cette table de mixage. Ah, là, ça marche, c'est bon. Bouge plus. Bref, bon, on va vous passer un peu de musique. Pour conclure tout ça, donc rappelez-vous simplement que vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. C'est Random 33, on est là, on danse pas le Mia. Et on va donc vous passer un petit peu de musique, si ça marche. Et après, on devrait avoir normalement une interview d'une personne qui s'occupe du château pirate à Paris. A tout de suite, restez à l'écoute. Alors, de retour dans les studios de Radio Campus. Et alors là, est-ce que tu es là, Esprit ? Esprit, es-tu là ? Bon. Non, on n'a pas l'interview, on a raté le coche, je ne sais pas pourquoi. Hop. Bon bah du coup on va passer à une news en attendant que... Non mais on a fini les news en fait, on faudrait que notre intervenant nous rappelle pour qu'on puisse le passer directement à l'antenne, si possible. Hop, et là... Allô, tu nous entends ? Allô ? Allô ? Allô, tu nous entends ? Oui, oui. Ah, c'est impeccable. Là. Eh bien, donc, bonjour. Eh bien, bienvenue sur Random. Bonjour, bonjour. Eh bien, je vais commencer par t'inviter à te présenter et puis à présenter un petit peu le château pirate. Alors, juste une petite rectification. Je suis Gizmo et je ne m'occupe pas du château pirate. D'accord, tu es pas de l'orga. Je ne suis pas du tout de l'orga. D'accord. Et en fait, je suis. Comme les admins du hackerspace qui est situé au château pirate, et d'ailleurs dont le nom est plutôt le château Albatar que le château pirate. C'est quelques petits problèmes de communication qu'il y a eu il y a 2 mois quelques à l'ouverture, mais un vote très démocratique a abouti à la décision de l'appeler le château Albatar avec ART à la fin comme AR. D'accord, le château Albatar. Voilà. D'accord. Ce qui pourrait peut-être faire plaisir à notre ancienne ministre de la Culture, Albatar, Albanel, non, je sais pas. Je crois que c'était pas calculé. Ce sont les équipes qui ont ouvert le lieu qui ont ouvert ça et qui n'étaient pas tellement sur les histoires d'Adopi, etc. Disons que. On n'était pas tellement préoccupés à l'époque. D'accord. Alors sur le lieu exactement, tu peux nous en dire plus avant de partir vraiment sur le hackerspace. Alors ce lieu a été ouvert il y a quelques mois. L'ouverture officielle était fin janvier, si je me souviens bien. Ce lieu accueille, enfin c'est un espace qui est très grand, qui fait 5000 mètres carrés. Qui accueille à 2 pas de République une trentaine de collectifs et ateliers et associations et même simples artistes pour leur permettre d'avoir un espace où réaliser leurs projets et où exposer et participer à la vie de la cité, je dirais. Mmh. Voilà pour l'essentiel. D'accord. Donc du coup un lieu d'activité où il y a donc des artistes, des choses un peu publiques ou pas du tout. Tous les 15 jours tous les samedis, enfin tous les 2 samedis, c'est-à-dire samedi prochain et le samedi de la semaine dernière. D'accord. Il y a une journée porte ouverte où tous les ateliers sont ouverts, où tous les espaces de travail sont ouverts. Et où le public est accueilli pour pouvoir regarder, voir ce qui s'y passe, découvrir les activités du lieu, découvrir quelles sont les personnes qui sont dans le lieu, et justement ouvrir cet interstice au voisinage, aux gens qui passent par là, et même aux gens qui viennent d'ailleurs. D'accord, ok, très bien. Et donc dans ces locaux-là, d'après ce que j'ai compris, il y avait une grande possibilité de faire des choses un petit peu techniques. Et c'est là que un certain nombre de personnes ont pris la responsabilité de s'y mettre, c'est ça ? Voilà, en fait, ce qui a eu lieu, c'était après l'expérience de la suite logique de l'année dernière, où nous avions créé dans un squat un premier hackerspace, qui je crois était le premier test du genre en France. Après vous nous avez suivi au Localhost. et donc après cette expérience là le mot est passé un peu dans le milieu des squats auprès dans le milieu alternatif et quand ce lieu a été ouvert, qu'ils ont vu le bâtiment qui est un très beau bâtiment où il y a des borniers Ethernet tous les 3 mètres avec prise française, prise UK, il y a une salle serveur avec baie de brassage climatisée, enfin le rêve de tout hacker et geek qui se respecte. Eh bien, les squatteurs ont juste vu que c'était trop pour eux, que techniquement ils n'arriveraient jamais à comprendre tout ce bazar. Et il leur est venu directement à l'idée de nous appeler, de nous dire bah, on a un super lieu, on a de l'espace, prenez, on vous donne un étage complet, 200 mètres carrés, faites-en ce que vous voulez, mais faites-en quelque chose. Et donc, partant de là, on a eu l'occasion de démarrer une activité pour un nouveau hackerspace qui s'appelle le Loop. Où justement, partant de l'expérience de la suite logique, où finalement, quand on travaille avec des squats, on n'a qu'une seule certitude, c'est que ça va pas durer forcément longtemps, même si on l'espère tout le temps. Et donc, le Loop veut dire le laboratoire ouvert ou pas. D'accord. Donc on garde cette idée de laboratoire ouvert qui est un peu le mot à la mode en ce moment dans le milieu hackerspace. Tout à fait. En fait, c'est moi personnellement j'ai découvert ce terme-là par les Grenoblois du laboratoire ouvert Grenoblois. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que justement en France on a encore certains problèmes avec le mot hacker. Notamment les médias. Et puis l'institutionnel de manière générale. L'institutionnel de manière générale et même le grand public qui comprend pas trop ce que veut dire, qu'est-ce que sont les hackers, etc. Parce que nous, de notre côté, on a lu le jargon file, on connaît les communautés, on a un sens de ce terme qui finalement se rapproche beaucoup de l'idée de l'artiste. Et artiste, celui qui est reconnu par ses pairs, comme et scientifique, celui qui est reconnu par ses pairs, et hacker, celui qui est reconnu par ses pairs, de toute manière. Bah de ce point de vue-là, l'idée de hacker, elle est née un petit peu justement aux frontières des mondes scientifiques et artistiques, avec tout ce bagage-là. Exactement. Maintenant, on peut partir sur l'étymologie du terme hacker, mais là n'est pas le but. Non, clairement. Donc là, sur le Loop, donc, il y a quoi et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quoi? On a un espace de 100 mètres carrés qu'on partage avec quelques chercheurs en sciences humaines, en ethnologie, et etc., qui ont une activité régulière et journalière sur le lieu. D'accord. Ils sont en cours de thèse, et ils n'ont pas trop d'espace dans les labos où ils sont censés faire la thèse. Ah, c'est excellent, ça. Merci de financement de la recherche. Bravo. À côté de ça, il y a nous sommes organisés de façon à ce qu'on ait quelques ressources internes, notamment il y a le site leloop.org qui explique comment venir, comment être accueilli dans le lieu et ce qui peut s'y passer. Il y a un wiki qui lui sert à justement se coordonner sur différents projets, sur les événements possibles et sur les workshops et ateliers qui peuvent être organisés. Notamment les deux premiers workshops qui ont démarré sont des ateliers sur les Arduino et sur l'initiation à Python. Oui. Qui ont plutôt bien tourné. Le premier de Arduino, c'était hier, on était une quinzaine de personnes et tout le monde était plutôt content de ce qui s'est passé, de ce que nous avons fait. Donc, ça a été principalement atelier soudure dans l'esprit maker faire. Pour ensuite poursuivre sur pour qui c'est nécessaire de l'apprentissage des langages de programmation sur l'Arduino, qui est C++, et pour ceux qui connaissent déjà la programmation, plutôt aborder les aspects d'électronique, comment travailler des transistors, comment travailler avec des relais, etc. Ensuite, pouvoir envisager un accompagnement de projet où justement on sera tous à se réunir et à s'entraider avec chacun nos points forts dans un domaine ou un autre. Donc on reste en fait sur la formule qui marche, enfin qui a l'air de marcher dans les hackerspaces français, à savoir au moins une soirée ouverte par semaine où on voit un peu tout le monde, où on... Non, en fait c'est ça comme ça qu'on fonctionne. D'accord. Pour le coup, effectivement, on s'est donné une soirée pour faire un événement régulier qui est le mercredi soir, simplement parce que c'était le jour de la semaine qui était libre, étant donné qu'il y a l'Electrolab qui fait sa soirée le mardi soir et le Templab qui fait la soirée jeudi soir. Mais ce n'est pas une obligation, ça veut dire le lieu a pour but d'être ouvert tous les jours. D'accord. Étant donné qu'il est extrêmement accessible, on a 4 lignes de métro, je ne sais pas combien de lignes de bus et même 4 ou 5 lignes de bus de nuit qui desservent le lieu. D'accord. Justement, c'est plutôt un point de passage, de rencontre et de travail pour qui veut venir. D'accord. Et donc, notamment, les ateliers Arduino se passent le samedi. Les ateliers Python se passent le mardi et le jeudi, et le mercredi, on se fait un petit apéro, justement, où là, finalement, on travaille moins. D'accord, ok. Donc c'était exactement l'inverse de ce que je disais. Voilà, c'est que finalement, on a toute la semaine pour bosser, et à la rigueur, on se rencontre une fois par semaine pour en faire un peu moins. D'accord. Il y a aussi donc, les ateliers Python qui marchent assez bien, où il y a des bons retours. D'accord. Et j'espère que d'autres initiatives vont venir, qu'on va pouvoir notamment démarrer une initiative pour aider les gens, par exemple, à passer sous Linux, ou par exemple, enfin. Ça, c'est avec éventuellement des collaborations vraiment avec le milieu du logiciel libre, l'April, etc. Ce serait bien. Sinon, il y a aussi des associations qui sont assez actives sur Paris, comme Belinux ou. Comme des associations de quartier qui. Parinux ou autre Oui, aussi. Sinon, il y a aussi des associations de quartier qui ont des locaux dans certains arrondissements, notamment dans l'11e. Qui font de la formation populaire, ce genre de choses. Voilà, qui aident à porter des machines sous Linux ou qui font des ordinateurs de récupération qu'ils ont réinstallés et bien mis en place. En interne, justement, la relation entre le hackerspace et le squat se fait un peu sur l'idée du donnant-donnant. C'est que d'un côté, nous, on a l'usufruit d'un espace et on en fait réellement ce qu'on veut. D'un autre côté, on leur rend service, on leur a permis d'avoir une connexion Internet. Chose qui n'est pas réellement facile quand c'est un bâtiment qui a 36 lignes, 36 paires téléphoniques qui arrivent dans un seul câble. Il n'y avait pas une histoire de brouillage aussi de tout ce qui est transmission radio à proximité, non ? Non, il ne faut pas confondre. C'était une rumeur qui n'a pas été vérifiée à propos du squat qui donnait sur les jardins d'Elysée. Ouais, le squat de Jeudi Noir. Concrètement, que ce soit clair, c'est pas parce qu'il y a squat dans ce qu'on fait que Jeudi Noir est derrière. On n'a rien à voir avec Jeudi Noir, on n'a pas envie d'avoir quelque chose avec Jeudi Noir. Nous, notre côté, moi je représente le Hackerspace, je parle pas pour le château Albatar. Et de notre côté, on est là pour rendre service finalement aux copains qui nous accueillent dans le lieu. Et aussi pour les aider, quelques petits dépannages, pour leur fournir des ordinateurs déjà installés qui juste marchent sous Linux. D'accord. Alors, juste pour conclure l'interview, un moyen, tu peux résumer un petit peu les moyens de prendre contact avec vous ? Eh bien, tout est résumé sur le site, leloop.org. Il y a un canal IRC qui est ouvert sur Freenode, c'est le canal Le Loop. Le Loop en un seul mot ? Oui, LELOOP. Et autrement, vous pouvez passer, il suffit d'envoyer un email à contact@leloop.org ou de passer sur IRC. Pour prévenir que vous voulez passer quelques heures avant ou un jour avant, et on vous accueillera volontiers pour lors de votre passage à Paris pour venir travailler ou guider ou travailler sur des projets constructifs de préférence. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup de ta gentillesse et puis d'avoir bien accepté une interview complètement à l'arrache prévue une heure avant. Ben, y a pas de problème. De toute façon, je crois que les interviews qui sont prévues plus longtemps avant avec des journalistes soi-disant professionnels sont presque pires. après sont juste pires. Donc en fait, à la rigueur, ça fait plaisir de parler avec des gens qui ont déjà une certaine conscience, quoi. D'accord. Bah écoute, je te remercie bien. Et puis, bah continuez à faire ce que vous faites. Et puis, bah on essaiera de se voir probablement pour le Solution Linux. Par exemple. Et puis vous, de votre côté, ouvrez de nouveau Hackerspace. Et puis, si je dois passer un message à la radio, c'est ouvrez des Hackerspace. Où que vous soyez, même si vous êtes en race campagne, vous pensez que vous êtes tout seul dans votre coin, bah vous trouverez peut-être en ouvrant un Hackerspace 2-3 personnes avec qui vous mettre, et puis il y aura d'autres gens qui viendront de plus loin pour venir vous voir. Vous regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, il y a des Hackerspace en race campagne, et pourtant ils font des trucs d'enfer. Eh bien, pourquoi est-ce que nous on pourrait pas le faire en France? On n'est pas assez intelligent pour ça. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Je te remercie bien. Bonne fin de journée à toi, bon dimanche et bon courage. Bonne fin d'émission. Au revoir. C'était donc bien une interview de Gizmo qui s'occupe donc du hackerspace Le Loop, hébergé par le squat Le Château Albatard à Paris République. Il me reste une minute pour faire l'agenda très rapidement. Donc l'agenda de Random, jeudi 17 à 19h, donc jeudi prochain, il y aura le hackapéro à l'Ozilab. Plus la préparation, réunion publique de préparation de Random 34. Dimanche 20 février 2011, il y aura donc l'écho des gnous numéro 10 sur Radio Campus, à 19h. L'écho des gnous, l'émission préférée des casse-cou. Mercredi 23 février 2011 à 17h30, il y aura la conférence Le logiciel libre et vos libertés par Richard Matthew Stallman. À l'Institut d'études politiques de Lille, c'est au 84 rue de Trévise, métro Porte de Valenciennes. C'est organisé par l'association De Toutes les Couleurs, qui est une association de l'IEP. Je pense qu'on aura d'autres choses à vous dire là-dessus, sur Random et également sur l'écho des gnous. Je crois qu'ils ont préparé un truc. Jeudi 24, comme tous les jeudis à partir de maintenant, ce sera le hackapéro à l'Ozilab. Dimanche 27 février, Random 34, sur Radio Campus, la plus libre des radios. Vendredi 4 mars 2011, mais ce sera le meeting 2600 Lille, toutes les infos sur www.2600lille.org. Vendredi 11 mars 2011, et on aura le FRNOC 17, c'est à l'Institut Océanographique de Paris, 195 rue Saint-Jacques, dans le 5e, RERB, station Luxembourg, métro 10, Cluny, La Sorbonne, ou métro 7, Place Monge, toutes les infos sur FRNOC.org. Vendredi 18 mars 2011, de 23h à 4h du matin, il y aura la soirée électro animée Carnaval électro 8 bits au Tripostal, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, c'est l'heure de finir, juste rapidement, du 7 au 9 avril 2011, Akito Ergo Sum 2011, à Paris. On a eu une interview dans Random, c'était au mois de décembre, je crois. Il est 20h. Et on vous laisse avec votre émission d'électro préférée, Chupa Pimento. Bonne soirée, à dans 2 semaines. Et n'oubliez pas, Random 33, on est là, on fout le dawa et on danse pas le mia. Au revoir.